争取高山流水，清新淡雅。 二胡曲江河水，汹涌澎湃。 古琴曲流水，绕梁不绝。 水是美之源泉， 珍惜水资源，让美永驻人间。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。 欢迎收听交响空间，我是你的朋友古月。在今天的节目中，请欣赏柏辽兹戏剧交响曲《罗密欧与朱丽叶》，由布列兹指挥克利夫兰交响乐团演奏。

cher, dit l'élégant Mercutio. Je parie que la reine m'a pourra visiter. Ma, la messagère du et légère, elle a pour chat une coque de noix que l'écureuil a façonné. Les doigts de l'araignée ont filé ses armes. Durant les nuits, la fée voit ce masque qui page, galope à la mort dans le cerveau de page. La petite reine s'en va sur le col bronzé d'un soldat. Il rêve une canonnade et vives estocades, le tambour, la trompette. Il s'éveille à Bajur et puis un jour à jour. C'est Mab qui vous est tout ce bacchanal. C'est elle encore qui dans un rêve habille la jeune fille et la ramène au bal. Mais le coq chante, le jour brille, Mab fuit comme un éclair dans l'air.

Thank you.

Thank you. Sur moi la nuit. 今天的交响空间就到这里，感谢您的收听，欢迎继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。